Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur France Culture où nous continuons à parler de crise financière, mais cette fois-ci en littérature et avec cette série diffusée une première fois, c'est le dernier épisode, à la fin août 2018. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre semaine intitulée La Bourse ou la Vie, histoire de crise en littérature. Une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Vanessa Prévost, Didier Pinault et Stéphanie Vélin. À la console aujourd'hui, c'est Théo Gomard. Balzac s'est passionné pour la finance de son époque. Il en a d'ailleurs fait un livre, La Maison Nucingen, dont nous avons parlé lundi. Zola a également pris la bourse comme thème principal de son roman L'Argent, qui était le sujet de notre émission de mardi. Dos Passos, lui, a observé les conséquences de la crise des années 30 dans son livre La Grosse Galette, comme nous l'évoquions hier. Trois émissions que vous pouvez d'ores et déjà réécouter en téléchargement ou directement sur notre site. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des conséquences de la crise de 1929 aux États-Unis sur les paysans les plus pauvres, à travers l'exemple des raisins de la colère, nous sommes avec Marie-Christine Lemardelet, professeure de littérature américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Elle est l'auteur d'un essai consacré à John Steinbeck, publié en 2000 aux éditions Belin dans la collection Voix américaines. Et en 1998, elle avait édité Les raisins de la colère dans la collection de poche Foliothèque des éditions Gallimard. En 2007, elle avait collaboré à l'ouvrage collectif intitulé « 10 études sur les raisins de la colère » chez Michel Oudiard, éditeur, sous la direction de Marc Anfreville. Bienvenue à elle, bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. You men want to work? Sure we want to work. Where's it at? Tavares County. Fruit's opening up. Need a lot of fruit pickers. You doing the hiring? Well, I'm contracting the land. What you paying? Well, can't tell exactly yet. About 30 cents, I guess. Why can't you tell? You took the contract, didn't you? That's true, but it's key to the price. Might be a little more, might be a little less. Un extrait du film Les raisins de la colère de John Ford, où on entend ces déplacés, ces paysans pauvres contraints de quitter leurs terres pour chercher du travail en Californie. Bonjour Marie-Christine Lemardelet. Bonjour. Alors on a tout de suite pensé à Steinbeck au moment de choisir les livres qui composeraient notre semaine sur la crise, parce que cet écrivain, et plus encore son livre Les raisins de la colère, incarne la Grande Dépression, au point qu'on peut se demander, comme vous le faites d'ailleurs dans votre essai, si ces années de crise ne seraient pas davantage que quelques lignes dans les livres d'histoire, s'il n'y avait pas eu ce grand livre de Steinbeck. Oui, absolument, j'ai l'impression que Les raisins de la colère a inventé, comme on dit, on invente une grotte ou on invente un trésor sous-marin, a inventé la crise économique de 1929 aux États-Unis. Et je reprendrai l'idée de Claude Wajman qui dit qu'il y a des livres qui sont des monuments et d'autres qui sont des événements. Et je pense que Les raisins de la colère, c'est un événement. Il crée les images qu'on a, les sons même, de la crise de 1929, de manière presque indélébile. Au point que l'expression « raisin de la colère » est déclinée maintenant dans les journaux américains. Par exemple, dès qu'il y a une grève, chez les cueilleurs de cerises en Californie, on dit « les cerises de la colère ». Enfin, c'est devenu une expression presque du langage courant. Mmh. C'est un monument aussi, en plus d'être un événement, ce livre ? Alors oui, puisque là, je reviens des États-Unis, j'ai vu une enquête sur les livres les plus lus. Alors évidemment, je me suis précipitée pour voir s'il y avait Les raisins de la colère. Et en effet, Les raisins de la colère fait partie, non pas des best-sellers, parce que pendant longtemps, ça a été un très grand best-seller, mais pendant des années, il y a 10 ans, c'était un best-seller. Là, c'est plus vraiment un best-seller, c'est-à-dire que c'est pas le livre que tout le monde va acheter pour ses vacances, mais c'est un des livres les plus lus parce qu'il est lu à l'école, au lycée. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une jeune lycéenne qui m'a avoué qu'elle sautait les chapitres intercalaires. Ah, il faudra parler de ces chapitres intercalaires. C'est un événement, c'est un monument, comme l'a été dans d'autres domaines de la création, Shoah de Claude Lanzmann ou Guernica de Picasso. C'est en tout cas ce que vous dites là encore dans votre essai. Oui, c'est-à-dire que Shoah, le film de Claude Lanzmann qui vient de disparaître, vraiment a créé le concept de Shoah, et notamment parce qu'il ne montrait pas d'image. Et Guernica nous met devant la guerre, ne théorise pas la guerre, mais la montre. Mmh. Et je trouve que dans Les raisins de la colère, il y a quelque chose comme ça. C'est à la fois très concret, et puis il y a aussi derrière un style, une poésie même du texte qui reste une fois qu'on a refermé le livre. Donc c'est un livre qui fait l'histoire, qui a influencé les sociétés jusqu'à aujourd'hui, qui a plus que beaucoup d'historiens imprimé une image dans l'esprit des gens aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Ça fait 10 ans que la crise de 2008 a éclaté. On n'a pas encore le grand livre qui représentera pour les générations futures cette crise-là. Non, on ne l'a pas. J'ai cherché, justement. Je ne l'ai pas trouvé. Ouais. Enfin, on aurait, il y a un grand livre qui est J.R. de William Gaddis, mais ce n'est pas du tout sur la crise des subprimes. Alors, quel est le projet de Steinbeck quand il écrit son livre, 10 ans donc, après la crise de 1929? Alors, Steinbeck n'est pas un théoricien, ni vraiment un écrivain politique. Il est engagé, mais je vais essayer de dire pourquoi. Il a dit, par exemple, dans une interview, il avait horreur des médias, hein, donc c'est rare de trouver des interviews. Il était très timide, oui. Oui, très timide. Et aussi assez agressif quand on l'interrogeait. Il a dit, pour Boileau, il a cité Boileau, il a dit pour Boileau, les seuls sujets vraiment dignes de la littérature, c'était les rois, les héros et les dieux. Et il dit, l'écrivain ne peut écrire que sur ce qu'il aime et ce qu'il admire. De nos jours, les rois ne sont pas très inspirants, les dieux sont en vacances, et les seuls héros à peu près disponibles, ce sont les scientifiques et les pauvres. Donc, vous voyez, là, il y a le programme, en fait, il y a le programme des raisins de la colère. Scientifique et pauvre, c'est deux mots-clés. Ouais. Il n'y a pas le dieu argent, quand même, dans les raisins de la colère? Si, oui, vous avez raison. Mais un mauvais dieu, pas un dieu digne, pas un dieu héroïque. Ouais. Alors, il en est où dans sa carrière d'écrivain quand il formule cette maxime? C'est presque une maxime que vous venez d'énoncer. Il a déjà écrit 7 romans. Il est connu pour Tortilla Flat, qui décrit aussi des paysanos, des paysans mexicains, et déjà avec un intérêt pour, mais beaucoup plus encore que dans Les raisins de la colère, pour le pittoresque, le typique, au point que la Chambre de commerce de Monterey, après l'apparition de Tortilla Flat, qui a eu beaucoup de succès. Donc Monterey, une ville de Californie. Oui, qui montrait une ville de Californie. A dit non, mais c'est pas du tout comme ça en réalité. Ils avaient peur que le tourisme s'arrête à cause du livre de Steinbeck. C'est dire aussi l'importance des textes littéraires à cette époque-là. Donc au moment où paraît ce livre, il vit avec sa femme dans des conditions assez pauvres. Il est d'ailleurs d'extraction plutôt modeste. Oui, il est d'extraction modeste. Il a vécu dans la vallée de Salinas, en Californie, qu'il dépeint souvent, et c'est vrai qu'on retrouve une texture de souvenir de l'enfance dans ces très belles descriptions du soleil californien, des couchers de soleil, etc. Et sa femme est une sorte de moteur dans toute cette entreprise. Par exemple, c'est elle qui trouve le titre. Le titre qui vient d'un chant anti-esclavagiste. Oui, c'est ça, un chant anti-esclavagiste. Alors, si vous voulez que je dise un mot du titre... Oui, allez-y. Les raisins de la colère, c'est vraiment « grapes of wrath » en anglais. Donc « wrath », c'est un terme archaïque, qui est plus archaïque que « anger », qui apparaît aussi dans le livre. « Wrath », c'est vraiment la colère divine, et c'est un terme qui vient de la Bible. Mais le génie de ce titre... Donc il y a dans la Bible un dieu vengeur, une idée d'amertume, d'amertume des raisins qui pourrissent, etc. Mais il y a aussi en même temps l'idée d'abondance. Mmh. Le vin qui coule à flot, l'Eucharistie en passant. Et quand par exemple les Joad imaginent comment ça sera en Californie, par exemple le grand-père qui n'y arrivera pas puisqu'il meurt avant. Donc les Joad, c'est cette famille de paysans forcés d'émigrer vers la Californie. Quand le grand-père évoque la Californie, il dit, voilà, il y aura du raisin partout, je m'écraserai du raisin sur le visage, j'aurai du raisin, du jus qui va couler partout. C'était une image d'abondance, la corne d'abondance. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est polysémique, ça a plusieurs sens en même temps. Mm-hmm. Évidemment, anger, c'est la colère des migrants exploités. Et Steinbeck fait un glissement, une paronomase, comme on dit pompeusement, entre anger et hunger. Enfin, plutôt dans l'autre sens, hunger vers anger. Donc la faim, la colère. La faim qui mène à la colère. Et je trouve ça d'une simplicité biblique, pour le coup, et je trouve ça très intéressant. Donc la colère, elle vient de la déception aussi, parce qu'on promet beaucoup à ces paysans... pour faire en sorte qu'ils migrent vers la Californie. On leur promet du travail, mais en réalité, si on leur promet ça, à travers des affiches notamment, qui sont le fait de propriétaires terriens, c'est bien sûr pour qu'il y ait beaucoup de main-d'œuvre en Californie, pour travailler dans les champs, et que cette main-d'œuvre, du fait de son abondance, soit extrêmement peu onéreuse. Cette déception-là, elle est une trahison et elle crée la colère. Elle crée la colère, elle crée aussi le rassemblement, une sorte de fusion vers le syndicalisme, qu'il avait déjà décrit dans « In Dubious Battle », en un combat douteux. Et en fait, l'ancien prédicateur Jim, qui apparaît dès les... Enfin, quand on voit le film de John Ford, dont vous avez passé un extrait tout à l'heure... On voit tout de suite Tom Joad, le héros, si vous voulez. Enfin, il n'y a pas vraiment de héros, d'ailleurs, je reviendrai là-dessus. Oui. Mais... Et Jim, le prédicateur, qui a arrêté d'être prêtre, parce qu'il avait une libido un peu débordante et ça n'allait plus très bien avec ses convictions religieuses. Mais par contre, il se lance dans la défense des travailleurs exploités. On va écouter une archive de Marcel Duhamel. Marcel Duhamel, c'est le traducteur de Steinbeck. Il y en a eu d'autres. Je vous propose de l'écouter. Je lui ai demandé un jour s'il avait réellement connu les personnages des Raisins de la Colère. J'ai passé deux mois avec eux, m'a-t-il répondu. Deux mois, j'ai vécu leur vie, travaillé avec eux. Et avec un léger sourire ironique, il a ajouté, je cueillais le coton et je n'arrivais pas à gagner ma croûte. Et pourtant, je travaillais dur et je tiens le coup. Il faut vous dire que John Steinbeck est une sorte de colosse, tout comme Hemingway et Caldwell, soit dit en passant, et que si lui n'arrivait pas à gagner de quoi se nourrir, on imagine ce que la vie devait être pour les autres. C'est là précisément le problème initial auquel l'auteur s'est attaqué dans ce livre, la condition humaine dans un monde que ces personnages n'ont pas fait, ou tout au moins à la construction duquel ils n'ont pas contribué de façon positive. Et c'est pour cela qu'on peut considérer Les Raisins comme l'œuvre maîtresse de Steinbeck. Toutes les aspirations et les tendances exprimées dans ses autres romans trouvent ici leur aboutissement et leur conclusion. Bien sûr, les conditions économiques qui ont motivé l'exode massif des Hokies et ont rendu possible cette misère, ces révoltes, ces abus, ont changé. Le climat n'est plus le même, mais c'est surtout les hommes qui ont évolué, qui ont pris conscience de leur état, des forces qui les manœuvraient, de leurs possibilités de lutte, en vue de réaliser vraiment ce à quoi les deux journaliers de Des Souris et des Hommes, Georges et Lenny, n'avaient fait qu'aspirer confusément. It's been the rain of me, girl, La Compagnie des auteurs sur France Culture. Qu'est-ce que vous retenez de cette archive, Marie-Christine Lemardelet? J'aurais envie de dire que c'est une précision qu'apporte Duhamel intéressante sur le fait que Steinbeck n'a pas vraiment vécu comme ses personnages. Il a beaucoup, la mythologie a beaucoup, enfin la légende plutôt, a beaucoup dit qu'il avait vécu comme eux. Non, en fait, il a fait des incursions, il a fait des enquêtes de terrain, comme on dirait maintenant, avec un ami, Tom Collins, qui était justement responsable d'un des camps du gouvernement. Il a partagé un peu cette vie-là. C'est-à-dire qu'il est resté aussi 2 mois, c'est ça? Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit Duhamel, oui. Au milieu, oui, de ces émigrés, de ces migrants pauvres. Oui, mais je pense qu'il n'avait pas la même position qu'eux, et il était là en tant qu'observateur et pas vraiment en tant... Il était pas... Mais cela dit, il a quand même gardé un contact vrai avec le réel en étant lui-même, comme vous l'avez dit, pauvre. C'est vraiment la littérature qui lui a fait gagner sa croûte, comme il dit. Et justement, c'est les raisins de la colère qui vont en faire un auteur, oui, célèbre. Oui. Il va gagner de l'argent, oui, beaucoup d'argent avec ce roman. Comment va-t-il vivre ce changement de statut à partir d'un livre qui justement dénonce quand même les puissances de l'argent, même si évidemment on ne peut pas comparer le fait de gagner des droits d'auteur et le fait d'exploiter des paysans. Il a vécu très mal le fait d'être célèbre. Riche, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est acheté une ou deux maisons, mais c'était toujours des petites bicoques rafistolées sur la côte, soit du Pacifique, soit la côte Atlantique. Il n'avait pas des goûts de luxe. Il a gardé une certaine modestie de vie. Mais par contre, il a détesté la célébrité. Par exemple, quand il a eu le prix Nobel en 62, c'était une horreur pour lui. Il était fier, c'est ça qui est paradoxal, il était très fier. Et en même temps, quand on lui a dit, le journaliste lui a dit, est-ce que vous méritez ce prix Nobel? Il a dit franchement non. Mm-hmm. Et après, dans son discours, je ne sais pas si vous l'avez regardé, au jury Nobel, le discours de réception du prix Nobel, il était hyper agressif, enfin c'est une maladresse incroyable, en disant tous ces universitaires... anémiques, blanchâtres, qui se permettent de juger les œuvres des artistes. Très, très agressif, alors qu'il n'y avait pas besoin, franchement. Mmh. Mais en même temps, je dirais que ça me plaît assez, parce que c'est un peu le Modiano américain. Vous voyez, le fait qu'il n'aime pas commenter ses œuvres, par exemple, il y avait ça en plus. Il a beaucoup écrit autour de ses œuvres, beaucoup de lettres, il y a une énorme littérature de lui-même, produite par lui-même, autour de tous ses grands livres, par exemple « Les raisins de la colère ». Mais le fait qu'il ne dise pas, qu'il n'explique pas quelle est son intention, ça me le rend très sympathique. Je pense que ce n'est pas un auteur de faire ça. Modiano, dont on parlera bientôt dans la Compagnie des auteurs, je vous l'annonce. Alors, « Les raisins de la colère », au fond... ça raconte comment, peu à peu, la sécheresse et aussi l'apparition des tracteurs, c'est important, ont commencé à chasser les métayers d'Oklahoma, du Texas, du Kansas et de l'Arkansas vers l'Ouest. Ces familles qui avaient vécu pendant beaucoup d'années sur un petit lopin de métayers, qui ont été expropriées parce que les terres étaient entre les mains des banques et des sociétés financières. Il y a donc une analyse quand même de l'histoire en train de se faire, une analyse de la modernité, et notamment avec cette question des tracteurs qui arrivent, et on retrouve tout à fait des problématiques qui sont les problématiques actuelles avec l'intelligence artificielle, la robotisation. Oui. Donc il y a quand même un écho très très fort, oui, des raisons qui poussent ces paysans à partir, avec les inquiétudes d'aujourd'hui, Marie-Christine Lemardelet. Absolument, et d'autant plus que ça fait écho aussi à la crise des subprimes, puisque les fermiers, les métayers dont vous parlez, ne peuvent plus payer les mensualités de leur crédit. Et donc, ces premiers tracteurs dont vous parlez sont en fait des bulldozers qui déracinent leur maison, qui détruisent leur maison, avant d'être des tracteurs pour cultiver. Vous voyez, ils ont été « tracted out ». Mm-hmm. C'est ça l'expression qui est utilisée. On les a expulsés à coups de tracteur. Alors, il y a les deux sens. Il y a le sens expulsion et le sens de production industrielle. Et c'est vrai qu'il y a un passage dans Les raisins de la colère qui est tout à fait intéressant, où on voit l'homme tracteur, alors c'est comme il y a the tractor man, c'est comme s'il faisait un avec la machine, habillé comme un cosmonaute, enfin c'est pas dit comme ça dans le texte, c'est moi qui le dis, mais vous voyez, avec une combinaison, des grosses lunettes de cosmonaute, un masque, des gants énormes. Un homme machine finalement. Voilà, un homme machine qui arrive et qui leur dit, bah, qu'est-ce que vous voulez, moi je gagne ma vie comme ça, tant pis pour vous, enfin bref, il est tout à fait... Il est comme eux, mais sauf que lui, il a trouvé un travail. Et au moment, alors ce que j'adore dans ce passage-là, c'est le moment où il déjeune, il prend son déjeuner, et c'est vu du point de vue d'un paysan expulsé. Je dis exprès le mot paysan pour dire que c'est un point de vue naïf, où on le voit manger un morceau de Spam. Le Spam, c'est de la nourriture de guerre, vous voyez, les Américains... apporter des boîtes de Spam, c'est-à-dire des boîtes de porc. Du corned beef, peut-être. Oui, voilà. Ou du porc. Vous voyez, c'est une espèce de... C'est un peu dégoûtant comme aspect. C'est un peu nourriture pour chat, mais... D'accord. Voilà. Donc, ils mangent du Spam et ils disent, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Son morceau de nourriture est sous cellophane comme une pièce de mécanique. Se trouver au supermarché. Donc, vous voyez, ça décrit exactement ce qui est la réalité de maintenant. Parce qu'aux États-Unis, on trouve pratiquement plus rien qui n'est pas sous cellophane. Mais c'est vu du point de vue naïf, et du coup, ça prend une force incroyable. Il y a une autre correspondance avec l'actualité au sens large des dernières années, c'est la question de la migration. Parce que même si c'est une migration... à l'intérieur d'un même pays, c'est comme une migration d'un État à un autre, et on retrouve quand même des problématiques qui sont celles qu'on vit aujourd'hui. Tout à fait, oui, c'est même assez étrange de relire les raisins à la lumière des questions actuelles migratoires, parce qu'on retrouve exactement les mêmes problématiques, c'est-à-dire des gens déracinés qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de lien à la terre, qui n'ont plus de lien social, et qui ne sont pas bien acceptés là où ils arrivent, enfin rarement en tout cas. Et j'étais assez étonnée de voir que ce roman traitait de manière très, très actuelle, en fait, ces questions-là. Écoutez-moi, c'est mon grand-père qui a pris cette terre. Il a fallu qu'il tue les Indiens, qu'il les chasse. Mon père est né sur cette terre, il a brûlé les mauvaises herbes et tué les serpents. Puis, il y a eu une mauvaise année, il a fallu qu'il emprunte une petite somme. Et nous, c'est ici qu'on est nés, là, sur cette porte. Nos enfants aussi sont nés. Et mon père a été forcé d'emprunter de l'argent. La banque est devenue propriétaire, mais on nous laissait ici et avec ce qu'on cultivait, on faisait un petit profit. Nous savons ça, nous le savons. Ce n'est pas nous qui vous chassons, c'est la banque. Une banque, ce n'est pas comme un homme. Pas plus qu'un propriétaire de 50 000 arpents n'est non plus comme un homme. C'est ça le monstre. Mais c'est notre terre. C'est nous qui l'avons mesurée, qui l'avons défrichée. Nous y sommes nés, nous y sommes morts. Quand même elle ne serait plus bonne à rien, elle est toujours à nous. C'est ça qui fait qu'elle est à nous, d'y être nés, de l'avoir travaillée, d'y être enterrée. C'est ça qui nous donne nos droits de propriété. Et nos papiers avaient des chiffres dessus. Désolé, mais ce n'est pas nous, c'est le monstre. Une banque, ce n'est pas comme un homme. Peut-être, mais la banque n'est faite que d'hommes. Non. Vous faites erreur complètement. Il se trouve que chaque homme dans la banque a de la haine pour ce que fait la banque. Et cependant, la banque le fait. La banque, c'est le monstre. Ce sont les hommes qui l'ont créé, mais ils sont incapables de le diriger. Extrait d'une adaptation pour la radio des Raisins de la Colère avec notamment Roger Bontemps et Charles Dullin. C'est une adaptation qui date tout de même de 1947. On note au passage qu'à l'époque de Steinbeck, Marie-Christine Lemardelet, le fait de s'être approprié une terre appartenant aux Indiens en les tuant ne semble pas poser de problème. Est-ce que Steinbeck ne voyait pas là qu'il y avait un problème d'expropriation qui était son thème finalement et qui était antérieur à l'histoire qu'il racontait ? Non, là je pense que c'est le point aveugle de Steinbeck. Il n'était pas très intéressé par ce sujet-là. Pour dire les choses un peu trivialement. Mmh. Et d'autant moins qu'il y a des études qui montrent que les différents états du manuscrit, dans un autre état du manuscrit, il y avait plus de références aux Indiens et il les a enlevés. C'était pas son sujet. Mmh. Ce qui signifie pas forcément qu'il a prouvé quand même. Non. Mais ce qu'on leur avait fait. C'était pas un sujet. Pour lui, je veux dire. Et donc, il y a cette idée très jeffersonienne que le terrain appartient à celui qui le cultive. Et c'est ça la différence entre l'Amérique des premiers pionniers et l'Europe. C'est que en Amérique, il n'y a pas d'hérédité, il n'y a pas d'héritage. On vient, on cultive et on devient de fait propriétaire. Mmh. Et c'est cet idéal-là de lien à la terre par le travail que défend Steinbeck. Donc quand on l'a traité de communiste, c'était plus ou moins un contresens parce que lui défend l'individu propriétaire terrien, mais l'individu qui a travaillé, pas le gros banquier qui vient juste faire du profit. Parce que c'est ça son ennemi. L'ennemi de Steinbeck, c'est le profit. On a confondu la défense des pauvres avec le communisme. Oui, absolument. Alors bien sûr, il y a eu des... Enfin, c'est quelqu'un qui est très éclectique, plein de contradictions. Donc, la droite a trouvé qu'il était communiste, il a été inquiété par le FBI. La gauche a trouvé qu'il faisait un portrait très négatif des syndicalistes. Enfin, oui. Et puis plus tard, il soutiendra quand même la guerre du Vietnam, oui. Ce qui lui fera perdre un petit peu ses soutiens à gauche. Absolument. Oui. Ça, c'est beaucoup moins heureux, évidemment. Mais voilà, c'est l'évolution d'un homme... mais qui est surtout intéressé par ce qui est humain, quoi, l'humain. Il n'a pas une pensée théorique, ni politique d'ailleurs, vraiment. Mmh. C'est pas un idéologue. C'est pas un idéologue, voilà. Mmh. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y avait aussi la mention de la banque qui n'est pas une personne, la banque c'est un monstre. En fait, personne ne gouverne la banque c'est comme une entité qui fonctionnerait toute seule. Mais ça aussi c'est très moderne, je trouve, c'est très actuel. Et aussi, la caricature qu'il fait des banquiers, c'est assez drôle, je trouve, parce que c'est vraiment une caricature. Ils sont des grosses voitures étincelantes, des gros cigares, des costumes. Il y a un côté... Est-ce que ça sert son propos, justement, que ce soit caricatural comme ça? Ben, oui et non, parce que on s'en souvient de ces personnages. C'est un peu comme un dessin animé. C'est ce qu'on appelle le cliché, ça, non? Oui, absolument, tout à fait. Mais je trouve que certains des clichés qu'il utilise... servent son propos, parce que il y a une stylisation extrême. Alors, oui, bien sûr, on peut dire, bah, c'est pas de la littérature, bon. Mais je trouve que ça va bien avec la culture américaine de la publicité, du dessin animé, toutes ces choses. Mmh. Et qu'est-ce qu'il dit alors sur la banque? Parce qu'il y a un chapitre, le chapitre 5, qui ressemble à une réflexion sur ce que c'est que la banque, la façon dont l'intrusion massive des nouveaux propriétaires capitalistes sur les terres des métayers les chasse. Quel est son univers, son rapport à ce grand monstre qu'est la banque? Alors, son rapport est un rapport un peu simpliste, ou simple, disons, c'est-à-dire que il fait une dénonciation pure et simple. Il n'y a pas de nuance, là. Il n'y a pas de nuance, voilà. Alors ça, la je banque pense... n'est pas vue, comme chez d'autres écrivains, ni l'argent d'ailleurs, comme un moyen aussi de bonheur pour tous, s'il était mieux redistribué. Non. Visiblement, The Pursuit of Happiness, qui fait partie de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, pour Steinbeck, ne passe pas par la banque. Marie-Christine Lemardelier, vous restez avec nous. On va continuer cette conversation, mais il est temps de faire appel à un œil nouveau sur cette question de la crise en littérature. Voici donc la chronique du jeudi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Thank you. Et cet œil nouveau, acéré et surplombant, c'est celui de Stéphanie Genant. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu. Vous venez régulièrement nous donner votre point de vue sur le thème dont on parle ici toute la semaine dans la compagnie des auteurs. Et comme vous êtes 18e, c'est précisément cette période que vous avez choisie pour approfondir les relations entre crise financière et littérature dans une chronique que vous avez intitulée « Les Lumières, laboratoire de la folie financière » avec un point d'interrogation tout de même. Oui, parce qu'effectivement, le XVIIIe siècle peut être considéré comme une période, on pourrait dire, un peu matricielle pour à la fois l'apparition de la crise économique, puisque c'est la première fois qu'une crise capitaliste, semblable à celle qui a frappé la France et le monde en 2008, frappe l'Europe. Alors, et la France en particulier. Justement. C'est ce qu'on appelle la banqueroute de Law. Du nom de l'économiste et banquier écossais John Law, L-A-W, que Philippe d'Orléans, qui succède à Louis XIV, enfin à la mort de Louis XIV plutôt, qui prend le pouvoir en France, alors que Louis XV est encore trop jeune, donc c'est ce qu'on appelle la régence. Entre 1715 et 1720, Philippe d'Orléans, pour régler la dette française, fait appel à ce prometteur banquier écossais, John Law, qui défend un nouveau système, un système capitaliste qui consiste justement à abolir l'équivalence entre l'argent et l'or. Et donc, Law introduit en France le papier-monnaie et la spéculation financière en rachetant des compagnies dont le capital va reposer exclusivement sur du papier. Le papier perdant progressivement toute valeur réelle, hein, ce qui va d'abord enrichir, bien sûr, toute une partie de la population et des grandes compagnies commerciales françaises pour ensuite les ruiner. Et le système de Law, qu'on appelle le système tout court, hein, fait totalement faillite. En 1720, c'est la première grande crise économique française qui, pour tous les gens qui ont vécu et écrit à ce moment-là, est vraiment un traumatisme. 1720, c'est la banqueroute totale. Première crise capitaliste, on peut dire, française. Et donc, on retrouve ça dans la littérature de l'époque. Oui, parce que par un hasard qui n'en est pas un, vous l'avez dit tout à l'heure, la crise et le capitalisme est tout entier un système de fiction. Donc, forcément, la littérature, naturellement, s'empare de l'argent. C'est un fantasme, etc., un monde imaginaire. Ça crée des drames aussi, toujours. Ça crée des drames, effectivement. Et il se trouve que la littérature de la Régence, comme on l'appelle, dans les années 1720, va trouver une fécondité nouvelle en s'inspirant de la crise. Alors, selon des modalités différentes, il y a des auteurs, bien sûr, qui vont dénoncer la violence et la folie, presque aussi. Hein. Il y a une vraie pathologie de l'argent dans ces années-là, dans leurs romans. Je pense, par exemple, aux Lettres persanes de Montesquieu, 1721, où la célèbre lettre 142 invente un fils d'Éole, dieu du vent, qui se promène en portant avec lui des outres chargées d'air. Et le fils d'Éole va avoir pour mission de vendre ces outres gonflées de vide à toute une population à qui il va dire « il faut renoncer au métal, mais vous réfugiez dans la richesse que je vous promets, qui est une richesse imaginaire ». Donc on voit à travers ce conte un peu allégorique ce que Montesquieu, bien sûr, pense du système de Law et du capitalisme en général. Ça, c'est la version, on pourrait dire, très noire de la littérature, parce que les Lettres persanes s'achèvent dans le néant, la destruction, et Montesquieu ne voit que la faillite, à tous les sens du terme, qui accompagne en général, qui accompagne ce premier système capitaliste. Mais il y a des utilisations plus ambiguës, on pourrait dire plus ambivalentes, de la crise économique parce à la même euphorique. Époque. Alors oui, parce que la crise ruine tout. La crise rend fou, la crise brise les liens familiaux, mais du coup, elle libère aussi, sous l'Ancien Régime en particulier, les trajectoires sociales. Alors que vous étiez en 1720, avant la Régence, prisonnier de votre appartenance sociale, c'est ça la France, vous êtes noble ou pauvre ou un peu déjà bourgeois. Or, sous la crise, votre fortune peut changer d'un jour à l'autre, et donc vous pouvez devenir quelqu'un. Vous entrez dans le nouveau monde, finalement. Exactement. Vous quittez l'ancien monde. Disons qu'il y a une mobilité sociale, c'est le revers positif de la crise économique, dont va s'emparer, par exemple, quelqu'un comme Marivaux, qui est lui-même ruiné par le système de Law, en 1720. Et Marivaux, ce qui est intéressant d'ailleurs chez lui, c'est qu'il va commencer à écrire son théâtre parce qu'il est ruiné. Il a d'un coup besoin d'argent, ce qui est aussi quelque chose de positif, puisque la ruine du système va va permettre à des écrivains de devenir des auteurs. Voilà. Et Marivaux va bien sûr faire rentrer l'argent dans son théâtre. On a toujours dit c'est un théâtre amoureux, mais pas seulement. Je pense à une pièce comme La Fosse suivante, 1724, qui va nous montrer des mariages totalement compromis par des histoires de dettes. Mais si l'argent a un rôle négatif, il a aussi un rôle positif, puisque les femmes vont se travestir en hommes pour aller demander à leur futur mari s'il les aime vraiment, etc. Bref, il y a tout un vertige de l'identité possible grâce à la crise. Diderot également s'est intéressé à la faillite de l'eau, en tout cas a été influencé par cette faillite-là. Oui, mais Diderot de manière un peu plus tardive, hein, puisqu'il est né, lui, un peu plus tard, alors que Marivaux et Montesquieu vivent la banqueroute de l'eau. Diderot, non, il est trop jeune, mais lorsqu'il écrit, par exemple, Le neveu de Rameau, à la fin du XVIIIe siècle, il donne la parole à un gueux, comme il l'appelle, un marginal, qui va lui dénoncer l'imposture du monde moderne. Et la question que pose le personnage du neveu de Rameau, qui dialogue avec un philosophe dans le texte de Diderot, est celle du savoir et de la vraie valeur. Que vaut le savoir, que vaut la philosophie, si le monde n'appartient plus qu'à ceux qui ont de l'argent et, comme le rappelle le neveu de Rameau, le fait de posséder de l'argent n'a jamais déterminé une morale, ni même une qualité, une honnêteté. On peut être riche et être un parfait salaud, pour dire les choses clairement. Donc, qu'est-ce que c'est que la valeur dans ce monde-là? C'est une question qu'on peut toujours se poser aujourd'hui. Bien entendu. Pour pousser votre raisonnement, vous diriez que les Lumières sont incompatibles avec l'argent, incompatibles avec le capitalisme, Stéphanie Genin? Non, mais on peut dire que le capitalisme pose la question de la place de la philosophie ou du savoir. Question que pose Diderot, par exemple. Diderot, à un moment donné, dans sa vie, se trouve riche. Et il est très mal à l'aise d'être riche. Il dit, est-ce qu'on peut encore penser librement quand on est riche? Ou est-ce qu'il ne faut pas être dans une situation de manque, comme a pu l'être Marivaux, par exemple, pour penser librement? Donc les Lumières expérimentent, avec cette crise de l'eau et avec l'émergence du capitalisme, les zones d'ombre contre lesquelles la philosophie ne peut rien. La prédation, par exemple. Le fait qu'on cherche toujours, dans un système capitaliste, à posséder et à ruiner l'autre. Est-ce que, si on est savant, si on est éclairé, est-ce qu'on peut résister à cet appât du gain? Pas sûr. Merci beaucoup Stéphanie Genin, à très bientôt. Thanks for the memory of candlelight and wine, castles on the Rhine, the Parthenon and moments on the Hudson River line. How lovely it was. The memory of rainy afternoons, swingy Harlem tunes, and motor trips, and burning lips, and burning toast and prunes. How lovely it was. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture au dernier moment de notre série sur la crise en littérature. Nous sommes aujourd'hui avec Marie-Christine Lemardelet, professeure de littérature américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Elle nous parle des raisins de la colère de John Steinbeck, dont voici un nouvel extrait, cette fois dans la voix de Pierre Fromont. Et un homme affamé, sans gîte, roulant sans trêve parmi les routes, avec sa femme à ses côtés et ses enfants amaigris à l'arrière, voyant à l'abandon ces champs susceptibles de produire non des bénéfices mais de la nourriture, cet homme avait le sentiment qu'un terrain en friche est un péché, qu'un sol non cultivé est un crime commis contre des enfants affamés. Arrivé dans le sud, il voyait les oranges dorées aux branches, les petites oranges dorées suspendues au feuillage vert foncé. Et il voyait aussi les gardes armés de fusils surveillant les orangeries. Les gardes chargés d'empêcher un homme de cueillir une orange pour un enfant affamé. De ces oranges destinées à être jetées au premier signe d'une baisse de cour. Alors, les hommes armés de lances d'arrosage aspergent de pétrole des tas d'oranges, et ces hommes sont furieux d'avoir à commettre ce crime, et leur colère se tourne contre les gens qui sont venus pour ramasser les oranges. 1 million d'affamés ont besoin de fruits, et on arrose de pétrole les montagnes dorées. On brûle du café dans les chaudières, on brûle du maïs pour se chauffer. Le maïs fait du bon feu. Alors on l'entend dans cet extrait, Les raisins de la colère, Marie-Christine Lemardelet, c'est le roman de la crise, mais c'est aussi, au fur et à mesure du récit, l'histoire d'un crime, et même d'un crime monstrueux. Oui, et dans cet extrait, ce qui n'apparaît peut-être pas, c'est la manière dont Steinbeck le dit, c'est-à-dire une manière impersonnelle. Il dit « there is a crime mm-hmm. », il y a un crime, On évite de dire qui lieu. Fait voilà. Le crime. Voilà, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la société devient une société anonyme. Il prend ça même littéralement, il n'y a plus de visage derrière, et donc ça devient monstrueux. Et ça, ce passage me fait penser que Steinbeck a commencé en écrivant des articles de journaux pour une revue de San Francisco, un journal de San Francisco, où il écrit des articles, mais vraiment des pamphlets, mais très bien documentés. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment un journaliste d'investigation qui regarde combien gagnent les gens, combien sont morts, etc. Mais il y a par-dessus la documentation, un ton de dénonciation extrême. Mmh. Et notamment par rapport au gaspillage et par rapport aussi à la valeur des gens. C'est-à-dire, il met en relief le fait que on s'intéresse aux statistiques des morts, mais on ferait mieux de s'intéresser à comment nourrir ces gens et les empêcher de mourir. Enfin, il le dit à peu près comme ça, de manière simple, mais assez efficace. Et il reprend exactement ces termes-là dans le roman. Donc il y a toujours cette dialectique entre finalement une approche assez scientifique, journalistique, voire même historique, et en même temps garder toujours en ligne de mire à quoi servent la science, l'histoire et le fait de rapporter les événements tels qu'ils se passent ici et là, c'est-à-dire à nourrir la vie, à nourrir l'humain. Mais il y a quand même toujours la science qui est derrière tout ça. Oui, oui. Très jeune, Steinbeck s'est intéressé à la science de manière assez originale d'ailleurs, parce qu'il a fait des études, enfin, plus ou moins. Il a arrêté ses études. À Stanford, oui. Mmh. Il est quand même resté 6 ans, mais il n'a pas obtenu de diplôme, mais il a quand même suivi des cours de philo. C'est ça qui compte, hein, oui. L'ancienne présidente de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Est-ce que les étudiants ça, ont tous bien compris? C'est vous qui le dites. Donc, il a suivi quelques cours, donc, mais très importants, justement, pour sa formation intellectuelle, en philosophie notamment. En littérature, et à un moment il s'est inscrit un cours en médecine pour la dissection des cadavres. Mmh. Alors son prof principal lui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas, c'est pas du tout dans votre sujet, etc. Et il répond, I wanted to know more about people. Je voulais connaître les gens. Alors pour lui, connaître les gens, c'est ce côté, on ouvre, on regarde. Il y a vraiment la méthode expérimentale de Claude Bernard. Donc ça, c'est très jeune. Et après, ça a été, il a toujours eu cet intérêt pour la science, regarder au microscope, vraiment la science dure. Et il a rencontré un certain Ed Ricketts, qui était un biologiste marin, qui, en Californie, l'a aidé à étudier les fonds marins. Enfin, ils ont fait des études ensemble. Et je trouve que dans Les raisins de la colère, il y a une façon de présenter les humains, un peu comme si c'était une espèce un peu plus évoluée que les mythes ou les fourmis. Mais il y a même une certaine froideur de Steinbeck. D'ailleurs, dans ce que vous dites, on l'entend aussi. Connaître les hommes, c'est aller les voir se faire écorcher. Et on le retrouve un petit peu dans le roman. C'est d'ailleurs une critique qu'on lui a faite. Oui. Finalement, de voir les grands ensembles sans s'intéresser vraiment à la psychologie des personnages individuels, sans suivre réellement ces personnages profondément. Alors ça, c'est tout un débat. Sur est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est pas un échec. Bon. Et par exemple, Claude Edmond de Magny, qui a écrit ce livre magnifique, L'âge du roman américain, qui a justement montré que chez certains auteurs comme Steinbeck, Hemingway, Dos Passos, Faulkner, il y a une attitude behavioriste, c'est-à-dire on n'entre pas dans la psychologie des personnages, on montre comment ils bougent, comment ils se comportent. On peut suivre un personnage quand même longuement. Oui, et personnellement, moi je trouve que c'est une technique très intéressante, que ça a apporté de l'innovation dans l'écriture. Et rien ne dit que la psychologie du personnage soit seulement la chose intéressante en littérature. Et dans le cas des raisins de la colère, je trouve que ça donne une force. Par exemple, au lieu de dire les hommes étaient inquiets, il décrit comment ils s'accroupissaient sur le sol, the squatting men. Ils s'accroupissent sur le sol, ils dessinent, ils réfléchissent en dessinant, en faisant des petits dessins dans la poussière. Je trouve que ça donne des images très fortes. C'est du cinéma ? Un peu, voilà. Oui. Il y a quelque chose comme ça qui... Alors, soit c'est vraiment, véritablement, le cinéma qui a influencé l'écriture, ou peut-être pas. C'est peut-être juste un moment de rencontre. Alors, parler des raisins de la colère, c'est beaucoup parler du sujet du livre. Marie-Christine Lemardelet, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On parle de la crise, mais... pour Steinbeck, c'est avant tout une œuvre d'art, une œuvre littéraire. Peut-être qu'il y a un malentendu justement là-dessus. Il y a une structure aussi de ce livre qui est une structure étonnante, peut-être pas aussi étonnante que celle dont on a parlé hier dans la trilogie USA de Dos Passos, mais ça s'en rapproche un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'art du roman de John Steinbeck ? Alors, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est la composition en chapitres narratifs qui racontent l'histoire d'une famille. Et les autres chapitres qu'on peut appeler intercalaires, lui les appelait généraux, qui donnent une vision plus universelle, à la fois de la nature, avec un grand N, parce que là, il y a vraiment un sujet pour lui, et des humains, de l'humanité en général. Cette composition, à mon avis, est très intéressante parce que la disjonction apparente fait ressortir des liens. Et notamment, il y a par exemple des chapitres où on voit, on ne sait plus dans quel genre de chapitre on est. Mm-hmm. Par exemple, dans un chapitre intercalaire qui se passe à une station-service, on entend des voix... On se dit, ah tiens, c'est les Jodes, et puis non, en fait, c'est le bruit des humains invisibles, anonymes. Et en cela, je trouve que c'est une création littéraire très intéressante. Parfois, il y a aussi des personnages qui n'en sont pas vraiment, mais qui représentent un petit peu la doxa, ce qu'on entend dire, ce que pensent en général les gens. Je pense à Mae, la serveuse de la cafétéria, qui énonce un peu les clichés de la pensée moyenne. Je vous lis un extrait. Mae établit le contact, souriante, irritée, prête à éclater, souriante tandis que son regard se perd dans un passé lointain, sauf pour les camionneurs. C'est sur eux que repose la boîte. Où les camions s'arrêtent, c'est là que viennent les clients. Pas moyen de rouler les conducteurs de camions, ils s'y connaissent. Ils amènent la clientèle, ils s'y connaissent. Donne-leur du café pas frais et ils ne remettront plus les pieds dans ta boîte. Si on les traite bien, ils reviennent. Mae sourit de toutes ses dents quand elle voit entrer des camionneurs. Donc on n'est pas là vraiment à découvrir un personnage, on entend juste... la voix de ce qu'on pense en général dans ces cas-là. Oui, et puis ce qui est amusant aussi, c'est que malgré tout le dégoût de Steinbeck pour le profit, il est quand même américain, donc il s'intéresse au commerce. Et là, on voit que la principale qualité de Mae, c'est que c'est une bonne commerçante. Oui, mais elle ne comprend rien aux pauvres paysans qui viennent également... Non, mais elle fait tourner la boutique. Elle fait tourner la boutique. Walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over ridge, hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner, Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. Nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Joe. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a buddy and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. Cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket. La compagnie des auteurs sur France Culture. On a passé un peu plus longuement que d'habitude cette chanson. C'est The Ghost of Tom Joad par Bruce Springsteen. C'est pas pour rien, hein. C'est parce que cette chanson, elle est directement inspirée des Raisins de la Colère. C'est même une chanson qui réactualise en 1996, année où elle a été composée. L'analyse finalement que fait Steinbeck. Marie-Christine Lemardelaine. Oui, je trouve que c'est un très bel hommage à Steinbeck, parce que justement, ça n'a rien de folklorique. Ça rend hommage à la profondeur de la détresse de tous ces gens qu'a décrit Steinbeck, avec beaucoup de sobriété. Puis en même temps, il y a l'harmonica qui donne le côté un peu western. Un peu américain, je veux dire. Quand vous avez l'harmonica, oui. Vous avez Bruce Springsteen et oui. Vous avez les Raisins de la Colère, vous avez vraiment toute l'Amérique. Hein. Absolument. Et je trouve que c'est vraiment... on ne peut pas faire mieux comme, pour montrer que les Raisins de la Colère est une œuvre populaire, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la culture populaire. Mm-hmm. Il y a aussi beaucoup de films qui ont aidé à ça. Oui, oui. Alors le film le plus connu, c'est évidemment le film de John Ford, qui est un chef-d'œuvre. Vraiment, à chaque fois que je le vois, je suis éblouie par sa beauté. Il y a bien sûr des partis pris, et ça, c'est tout à fait le droit d'un réalisateur de faire des choix, hein, je le dis bien. Il y a des choses qui sont différentes. Par exemple, la fin, bon, c'est bien connu. La fin du film de John Ford, c'est Ma Joad, la mère de la famille, qui dit « We are the people ». C'est une fin un peu triomphante, parce qu'ils sont, dans le camion, on dirait une reine, et ils avancent. Donc c'est une fin vraiment optimiste, alors que le livre l'est beaucoup moins. Pour revenir à des questions plus formelles, Marie-Christine Lemardelet, vous écrivez aussi que la division en chapitres disjoints a pour effet de brouiller la distinction entre le concret et l'abstrait, entre la silhouette et le personnage du roman. Et vous pensez en particulier au chapitre 12 qui s'ouvre sur une vision panoramique de l'Exode, sur cette idée du concret et de l'abstrait. Oui, je pense que la discordance entre ces chapitres permet à Steinbeck d'ouvrir le champ visuel presque et de ne pas se restreindre à des gros plans sur une seule famille. Il veut montrer que c'est toute la famille humaine. D'ailleurs, c'est dans ces chapitres-là qui sont en focal élargi, je ne sais pas comment on dit, en plan large. En plan large, voilà. Que se passent des mouvements très importants pour l'humanité, je dirais. Par exemple, la notion de famille. Au début, c'est une famille nucléaire avec papa, maman, grand-père, grand-mère, etc., les enfants. Et petit à petit, les familles de pionniers se réunissent pour lutter contre l'adversité et deviennent ce qu'il appelle des units, c'est-à-dire des... C'est difficile à traduire, mais peut-être des communautés. Et donc la famille, c'est dans ces chapitres-là qu'elle s'agrandit, et avec des notions de solidarité et de succès par rapport à cette présence terrible de ce qu'on appelle le progrès. Et justement, tout à l'heure, vous expliquiez que Steinbeck était à la fin un écrivain de l'individu, mais là, dans Les raisins de la colère, il est l'écrivain de ses units, de ses communautés. Oui. C'est peut-être pas le cas de certains autres de ses romans, et en particulier dans À l'Est d'Éden, on est peut-être davantage sur l'individu. Alors, peut-être qu'on pourrait terminer cette émission en parlant un petit peu des autres romans de Steinbeck et dire en quoi la crise, la pauvreté y est également présente, mais peut-être d'une autre manière. Dans À l'Est d'Éden, qui est aussi un très, très grand roman de Steinbeck, c'est vrai qu'on est plus, concerné par cette rivalité fraternelle, comme si il y avait une espèce de déterminisme que la crise ne fait qu'accentuer. Donc là, il descend vraiment au niveau du personnage. Oui. Et peut-être qu'il a écouté les critiques aussi qu'on lui a faites. Peut-être, ou alors, je crois que ça correspond à son intérêt particulièrement profond pour l'humain, au sens de la morale. Par exemple, cette fameuse notion de Timschel, qui est tu pourras te délivrer du mal. C'est un peu abscon, on comprend pas très bien au début quand on le lit. Ça se termine, c'est le dernier mot du roman. On a l'impression qu'il veut faire une œuvre morale indispensable. Mmh. Et c'est peut-être ça, là, dans le cas de À l'Est d'Éden, la crise est plutôt un prétexte. Je trouve que c'est pas tellement le sujet. C'est moins le sujet que dans Les raisins de la colère. Et dans Des souris et des hommes, on n'aura pas le temps de le développer, mais est-ce que la crise, elle existe un tout petit peu aussi? La crise, oui, puisque ce sont deux pauvres journaliers, oui, c'est le même genre de... Donc c'est la pauvreté. La pauvreté, oui, c'est ça, mais en gros plan, d'une autre façon, et encore plus en gros plan. Oui. Merci beaucoup, Marie-Christine. Le Mardelet, c'est la fin de cette émission. Vous êtes venue nous parler des raisins de la colère, mais vous avez beaucoup d'autres choses à dire, et notamment sur les autres romans de Steinbeck. Je renvoie pour cela nos auditeurs au livre que vous avez publié dans la collection Voix américaine, et qui s'appelle tout simplement John Steinbeck. Collection Voix américaine, dont j'ai omis de dire qu'elle était publiée aux éditions Belin.